Chemou. Yo, hey yo, mou, j'prends le mic, tu sais d'avant ça va brailler. J'invite la flic à y atailler, invite les racailles à racailler. Ensuite la suite poursuit en 8 ou 12 ou 16, j'sais pas encore. Insomniac, je me nourris de shit avec l'équipe, jamais on dort. J'gratte à ça de façon gore, j'faut que la bague t'en veut encore. Tu me feras pas croire qu'au fond de la salle, un pauvre qu'on s'endort. Ce serait trop bête de rater ça, les faux les traites, je rabaisse là. Les faits moucheront leur fond, l'effet d'un flot de fou, je regrette pas. D'avoir bossé, osé, dosé, causé de multiples dégâts. D'avoir posé, osé, dosé, causé, j'suis trop subtil, dégage. T'as kiffé le style, pompé le flow, sur commande, je le géchant. Gros pétard, grand écart, j'reste souple, y'a rien de méchant. Juste un couplet alléchant, on m'a dit la mouche alléchante. J'voulais pas trop clasher fâché, on m'a dit la mouche alléchante. Mais la mouche elle est chiante, quand ça va mal, y'a que le poteau Toto et le popo qui me ralimente. Entre les cancres là, les plates et les cafards, elle coule mon encre là. J'suis pas un cancre moi, mais je squatte les checkards. J'suis un des seuls espoirs de nos remparts, sois pas en deuil. La mouche au Bernard, elle me dit tout, tu m'as tapé dans l'œil. Tu me connais pas, c'est qu'un hic, donc j'prends mon plus beau bic. J'ai mis le style aussi, j'suis le type de style hostile. Envers l'état, ouais ça, c'est carrément moi. Égaré Renoir, j'suis taré, viens me voir, déballe et j'envoie. Un pro des jeux de mots, ils en peuvent plus. Les schmitts, c'est comme les suppos, faut les prendre par le cul. Désolé si j'parle cru, allez promis, j'en parle encore. Tu m'encourages, je m'améliore. Tu me détestes, je deviens 10 fois plus fort. Et c'est réel, bâtard, chut, j'canarde. Zut, j'l'énarde, chut, j'l'éclate. Chut, j'débarre, chut, j'l'émarque. Et puis flûte, j'les frappe. Te demande pas comment ça se fait, j'ai le truc qui claque. Hey yo, j'reste, we the best, vex. Donc les mecs à court pour la thèse, sans faire la thèse. Oui, on atteste tous de l'amour, bref, j'blesse là où le reste est. Donc c'est texte, savoure, c'est sans stress que j'reste net. Pas de gangs, pas de pack, chaque cours gratte, chaque heure. J'rappe, j'ai cœur, tu rap une taille, hache les cœurs. De Sky, que j'me ravitaille pour que j'rappe des heures. Ouais, j'fais peur, et ta boîte n'importe qui. Face à la mouche, tu vas finir par te faire niquer aussi. J'quitte, c'est nocif. Bande amateur, des MC comme vous, moi j'en fume un tous les quarts d'heure. Avec nos vitchés, on a quoi être de sacrés narrateurs. Amène ton MC si la bombe bouge, j'en ferai peut-être mon 4 heures. Tête de ma mère, alors c'est qui le meilleur? Qui veut m'affronter? Qui peut m'affronter? Il est role player, hein? Rap gay mon cul, rap gay j'crois plus. J'leur fais le cul à ces enfants de pute. Putain. Avec nos vitchés, y'a quoi faire des histoires sans fin. J'ai le sentiment que tout ça n'est qu'un éternel recommencement. RNP des gens qui sortent, y'a plus de confiance sur les billets. Avec nos bitches, j'ai rien quoi faire des histoires sans fin. J'ai le sentiment que tout ça n'est qu'un éternel recommencement. RNP des gens qui sortent, y'a plus de confiance sur les billets.